Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Bonne fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Soul. Soul. Disco. Disco. Funk. Funk. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. I love New York. Le show Funky Mix. Records aren't made to take that kind of a beating. Oh. Yeah, baby. I seem to feel a lovable, likable, funked up for a playable future and the reconnecting the dots to you and my soul, baby. And there's no hole in this donut. If only I could feel you here. La plus funky des radios, le show s'appelle Funky Mix. Généralement, on écoute de la musique soul, disco, funk, tous les sons qui ont inspiré, énormément inspiré la musique R&B d'aujourd'hui, mais aussi la musique dance, house. Franchement, c'est généralement, vous reconnaissez des morceaux de gratte ou bien des thèmes principaux. On les joue ici dans cette émission numéro 1 sur le funk avec T-Connection, Michael Jackson et Gino Socio pour vous. Bienvenue sur Espace. Funky Mix avec Manu. Manu on the mic. Funky Mix loves you. Funky Mix loves you. Funky Mix. As much as you love it. As much as you love it. Funky Mix. Do you remember when we fell in love? We were young and innocent. Do you remember how it all began? It just seemed like giving, so I did it. Take it. L'original appartient à McFadden & Whitehead. Et là, je vous ai passé un son instrumental fait par un guitariste, Wayman Taizali, pour le I Know Stop in US Now. Et franchement, ça fait du bien d'écouter ça. Je mixe en non-stop pour vous, juste après The Limit. C'est en 85 que je vous emmène tout de suite sur Espace. Time lately,

mix. In the mix. We'll be right back. Et ça a mixé en non-stop et je remets ça très vite pour vous. Restez donc ici. Funky. Funky Mix. Funky Mix. Glenn Adams, se faire Just a Groove, je vous emmènerai directement au début de l'année 80, le virage de la musique funky, et entre le disco et le funky, ce sera juste dans quelques minutes. Après The Evasion et Funk Tessy, You're Too Late, c'est maintenant sur Espace. Life is rhythm, man. Here, the tropically sensuous beat makes you want to do things most self-respecting people could be arrested for. It's not uncommon to find yourself throwing caution to the wind and yourself to the floor. The heat and excitement is somewhat reminiscent of a Calcutta sauna. Here today, groove away. Groove away. Feel the beat. Feel the beat. It's so neat. It's so neat. Hit the town. And party down. Party down. Where it's at. Where it's at. Laid back. Laid back. What's going on, brother? Not a hell of a whole lot. Love one another. Mm-hmm. One nation under a groove. Under what? This is some of the lingua franca of the funk business. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down. Don't pick around. It's what it is. As you can see, it's all too easy to get wrapped up in the kaleidoscope of sounds. The hand claps and the bass throb erotically, and the piano tinkles invitingly like so much crushed ice into a dry martini. Utterly far out, man. It don't matter if the lyrics don't scare. You bad mother... Shut your mouth! They may say, but you know the right one. Strut your stuff. Strut stuff. Take the smooth. Take smooth. With the groove. With the groove. Get on down. Get on down. Yes, party down. Party down. Get laid back with your bad self one time. Funk has become an industry, and one thing's for sure, this industry is full of funk. So as they say here, everybody say whoa. I said whoa. Thank you. So fundamentally, it's a question of moving your wheels, making your deals. You know how good it feels. Walk long, proud and tall, cause the writing's off the wall. Shake your booty, do it all, have yourself a good time. Good times. We all have good times. Leave your cares behind. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. You've gotta get up to get down, so really go to town. Funky Mix sur Espace. Entreprise Enaya Rénov Construction, travaux de maçonnerie tout corps d'état, agrandissement, rénovation intérieure, cuisine, salle de bain. Nous intervenons de Rouen à Honfleur, en passant par Évreux. Nous intervenons de Bernay à Lisieux. Entreprise Enaya, 30 ans d'expérience. Entreprise Enaya, devis gratuit. L'entreprise Enaya sublimera votre projet et donnera vie à vos rêves. 41 rue Saint-Laurent, 27 290 Thierville, 06 52 44 52 91. L'association Fit Fever, qui se situe aux Andelys, vous propose des cours de Zumba et de Zumba Kids à partir de 4 ans, ainsi qu'un cours de street dance. Retrouvez-nous tous les mercredis pour les cours enfants et le samedi pour les cours ados-adultes de 10h à midi au gymnase Henri Boyer. Renseignements au 06 37 01 29 89 et sur fitfever27.wixsite.com/fitfever. Dracar Plaisance, la navigation fluviale en toute confiance en Normandie. Hivernage, entretien, cocooning, anti-fouling, aérogommage, maintenance et transport de bateaux de plaisance. Confiez votre embarcation à un professionnel et expert, il s'occupe de la bichonner. Prenez contact, Eric est à votre écoute et vous conseille quelle que soit votre préoccupation. Dracar Plaisance à Portejoie, entre Louviers et Val-de-Reuil, l'efficacité et l'humanité au service de votre confort, sécurité et sérénité. 02 32 50 38 84 www.dracar-plaisance.fr. Les urgences, c'est mon quotidien. Et pour la plomberie et le chauffage, pour moi, c'est JV Service. L'installation et le dépannage de votre chaudière, c'est JV Service. JV Service, 02 32 59 73 20. Besoin d'aide ? Va sur JED, le premier réseau d'échange ponctuel de savoir-faire entre citoyens. Le seul annuaire numérique sécurisé et évalué par les utilisateurs. Cliquez sur www.ged-world.org. Ensemble, rentabilisons notre temps. Monsieur Récup, transport, déménagement, débarras dans toute la Normandie. Devis gratuit, 06 20 10 11 64, www.monsieurrécup.fr. Ah, raté. Bon, vous êtes où? Vous êtes assis? C'est le moment de vous lever. Bande de tire-enfants, on a besoin de soldats. Fiers, braves, courageux, orgueilleux. C'est la grande recrue au manège de Tilly. Vous serez des témoins privilégiés d'une revue de caserne extraordinaire, invraisemblable, rebondissante. Vous aimez les chevaux, le spectacle, bien manger? C'est le moment de signer. Pour y aller, c'est simple. Évreux, en face du cinéma, et les renseignements, c'est lemanegedetilly.fr. Les meilleurs tubes reviennent dans un instant. Sur Espace. La ville de Gisors vous invite à visiter son village de Noël du vendredi 14 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 en centre-ville. Vous y retrouverez son majestueux sapin, ses illuminations, ses chalets en bois proposant leur lot de douceur, de produits régionaux, d'idées de cadeaux, d'artisanat en tout genre.

passe. Numéro 1 sur la soul, War était avec nous et ce n'est pas fini. Vous connaissez évidemment James Brown, le pape de la musique soul. C'est maintenant Hot Pants sur Espace. Funky Mix. Petite pause s'impose et la musique funky revient tout de suite sur la plus funky des radios. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 16 décembre. Ce soir sur TF1, un film d'action Suicide Squad ou alors Suicide Squad, hein, si vous êtes anglophone ou anglophile, hein, c'est comme vous voulez. Bon, Will Smith est au casting, et là tu le reconnais pas, hein. Il a une tête chelou, en même temps Superman est mort, alors il faut trouver quelqu'un d'autre. France 2 nous confirme que l'on approche tranquillement mais sûrement des fêtes de fin d'année avec ce classique du cinéma français que je risque de regarder une fois encore. Je connais tous les dialogues par cœur, je me poêle, je me bidonne à chaque fois. Le Père Noël est une ordure. France 3, les enquêtes de Vera toute la soirée avec la dame au chapeau qui mène des enquêtes. Bon, c'est vraiment ciblé, monsieur et madame Chambier. Non, les jeunes, vous n'allez pas kiffer. Quoique, des millions de jeunes regardent Plus belle la vie, alors tout est possible. Hein. Canal, Marseille, Bordeaux, un match de Ligue 1, 23h10, J+1, tous les consultants Costard et Pompe Ciré seront là pour débriefer tout le week-end foot. Arte, l'évadé d'Alcatraz, classique du cinéma avec Clint Eastwood. L'histoire se passe à Alcatraz, donc pas la peine de vous expliquer les jeunes. Si, Alcatraz, c'était une prison. Et pour t'y échapper, fallait envoyer le boulet. Eh bien, ils vont essayer dans le film. M6 Capital avec Julien Courbet, repas de fête en famille. Comment payer moins cher, c'est tendance également. 23h10, Nanar de la Villardière est dans

Il est 19h, on fait juste un petit breaking news avec l'info internationale et nationale sur Espace, la plus normande des radios, et le retour de Funky Mix dans un instant. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. À Strasbourg, un millier de personnes rendent hommage aux victimes de l'attentat. Une foule rassemblée au pied du traditionnel sapin de Noël de Strasbourg aujourd'hui a rendu hommage aux victimes de la tuerie de mardi dernier. Une minute de bruit a été observée. Pendant une heure, un rassemblement citoyen s'est tenu place Kléber, à l'endroit même où le président s'était déjà recueilli vendredi soir. Une période de deuil et d'hommage, alors qu'en parallèle, l'enquête autour du tireur présumé Chérif Chekat se poursuit. Le parquet de Paris a annoncé ce matin que les gardes à vue de deux membres de l'entourage proche du jeune homme avaient été levés. Une seule garde à vue se poursuit dans ces enquêtes. Selon un dernier bilan et malgré des manifestations bien plus calmes que la semaine dernière, 351 personnes ont été interpellées en France, dont 242 placées en garde à vue. Par ailleurs, 9 blessés sont en urgence relative à la suite des violences et affrontements qui ont émaillé les manifestations. À Paris, il y a eu 179 interpellations, dont 144 garde à vue. Un chiffre en nette baisse, puisqu'à Paris, uniquement 1082 personnes avaient été interpellées samedi dernier. Un nombre record pour plus de 900 garde à vue. Au total, sur la France, près de 2000 personnes avaient été arrêtées, dont plus de 1700 placées en garde à vue. Et les chiffres en province. À Saint-Étienne, 52 personnes ont été interpellées et 44 placées en garde à vue. À Toulouse, 30 interpellations ont été dénombrées, 16 à Marseille ainsi qu'à Nantes. Et le mouvement des Gilets jaunes a connu un premier revers après une faible mobilisation. Hier, à l'occasion de l'acte 5, il n'y avait pas plus de 66 000 manifestants à travers le pays. C'est deux fois moins que la semaine dernière, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. On passe au sport et au football. Plusieurs rencontres de la 18e journée de Ligue 1 se jouent aujourd'hui. Lille s'est imposée à Nîmes 3-2 et sécurise sa deuxième place. Et puis à suivre ce soir à 21h, l'affiche entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Let's Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. You say you're going through changes. Every Funky Mix. C'était Paul Simpson Connection en fin des années 87. Ça marquait quand même cette époque de musique funky qui déclinait. Mais heureusement qu'après, beaucoup d'artistes sont arrivés dans les années 2000, hein, genre Bruno Mars et les autres, qui ont fait ressusciter cette musique fun Cool and the Gang dans un instant. Bah là maintenant, en fait, juste après Jimmy Bourne sur Espace. Funky Mix, la première émission dance classique. claquer les rythmes. Funky Mix. Funky Mix. She's a bad man, my gentleman. Ooh, she's bad. She's the spy. attention. She's poetry in motion, beautiful sight to see. I get so excited, human anatomy. She's built, she's stacked, oh, she's stacked. Got all the colors made alive. She's built, she's stacked, oh, she's stacked. Thank you. Espace avec le groupe Caméo. C'est une belle histoire pour Caméo puisque dans les années 85, très peu de radios 85-86, des radios nationales notamment, jouaient de la musique funk. Et Caméo est arrivé comme ça, ce groupe très très funk, assez dur d'ailleurs, a eu la chance d'être diffusé sur toutes les radios. Ça a démocratisé cette musique funk et ça a très très très inspiré la musique R&B. Surface, Delegation, Tyrone Brunson, je vais mixer tout ça, Sharon Red également, Midnight, et là c'est en non-stop. Restez là, c'est Espace, bienvenue. We'll be right back. Avec un inédit, Never Stop, c'est Midnight, Chemistry, Mark Morrison, et là c'est Bruno Mars qui est totalement fan de la musique funk. Finesse, et maintenant Funky Mix. Girl, we got it going on.

Vous voulez rénover, agrandir, vous êtes à la recherche d'une entreprise sérieuse qui gère vos travaux de A à Z. L'entreprise Vignon est là pour vous. Depuis 1979, nos équipes savent répondre à vos besoins. Nos couvreurs réalisent tout type de couverture. Nos menuisiers, charpentiers et maçons sont également présents pour répondre à vos attentes. N'hésitez pas, contactez-nous au 02 32 49 72 72. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. Les commerçants de Luciale des Andelys vous offrent un Noël magique aux Andelys du 8 au 24 décembre. 10 000 euros de cadeaux à gagner. Première chance au grattage, deuxième chance au tirage. Ouverture des magasins les dimanches 16 et 23 décembre et les lundis 17 et 24 décembre. Suivez les sapins rouges et blancs. Passez de très belles fêtes de fin d'année avec les commerçants de Luciale des Andelys.